Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une semaine raccourcie de la Fabrique de l'Histoire, car demain, comme toutes les émissions de France Culture, nous ferons donc cause commune avec le journal Le Monde en nous posant une question apparemment simple, à savoir qu'est-ce qu'un journal de référence en Europe ? Une semaine en trois volets, donc consacrée à l'histoire du sport féminin dans la Fabrique de l'Histoire. Mercredi, notre documentaire signé Séverine Yatar et Véronique Samouilov tentera de comprendre ce que fut le phénomène des années 80, Gym Tonic, un documentaire qui s'interroge sur le succès phénoménal de cette émission de télévision sur l'aérobic, comme on disait à l'époque. Jeudi, nous débattrons de la naissance du sport féminin au tournant des 19e et du 20e siècle. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous sommes rendus au Sénat pour y rencontrer une sénatrice, Chantal Jouanneau, ancienne ministre des Sports, 12 fois championne de France de karaté kata. Nous parlons avec elle de ses premiers temps dans le sport et des résistances masculines à la promotion des femmes dans les instances fédérales. Avec elle également, nous tenterons de comprendre pourquoi la pratique du sport, et du sport féminin en particulier, n'est pas valorisée à son juste niveau dans les entreprises ou encore dans les instances de l'État en France. Bonjour Chantal Jouanneau. Bonjour. Merci de nous accueillir à la bibliothèque du Sénat. Donc, et nous avons au-dessus de nous les mânes de quelques grands hommes, Bossuet, Fénelon, Voltaire ou encore Mirabeau, qui nous regardent pour parler de notre thème de la semaine, à savoir le sport féminin. Il y en a peut-être un seul de ces grands hommes qui pourrait nous dire quelque chose de cela, c'est Newton, puisque il est spécialiste de la chute des corps. Mais en l'occurrence, on va traiter donc de cette question du sport féminin avec vous. Vous êtes sportive depuis très longtemps, vous avez été championne de France une douzaine de fois, oui. Donc karaté, en même temps que vous faisiez vos études. Et puis ensuite, vous avez été ministre des Sports. Et donc, il était tout indiqué de vous avoir comme grand invité pour cette émission d'ouverture de la Fabrique de l'Histoire. Alors, d'abord, comment vient-on au sport quand on est une jeune fille née, je crois, à la campagne comme vous, d'un père qui, lui, pratiquait le sport? Mais justement, on vient au sport parce que notre famille, sa famille pratique le sport. Mon père faisait du karaté et ma mère faisait du trapèze volant et de l'aïkido. Donc, grande famille de sportifs, vraiment dans une logique d'activité physique, hein, d'entretien et en même temps de compétition, parce que mon père aimait bien la compétition aussi. Et par conséquent, j'ai toujours fait du sport depuis toute petite. J'ai dû pratiquer tout ce qui pouvait se pratiquer, de la natation, gymnastique, la danse classique, ça n'a pas duré longtemps, je dois reconnaître, équitation, la danse même moderne. Et c'était naturel. Et mon frère aussi faisait du sport. Et pourquoi je suis arrivée au karaté ? Parce que mon père a été une des personnes qui a monté la Fédération départementale de karaté à l'époque où on introduisait le karaté en France. Et que le jour où mon frère a dit « moi, je veux faire du karaté », par jalousie, j'ai dit « moi aussi ». Alors, j'imagine que ça n'est pas tout de suite évident de faire du sport quand on est à la campagne, dans des petites villes, parce qu'il n'y a pas toujours les structures adaptées. Comment cela se passe-t-il au tout départ, quand on veut le faire ? Est-ce qu'il est compliqué de s'adonner à un sport particulier ou est-ce qu'on se plie plus ou moins à l'offre sur le terrain, Chantal Jouanneau ? On se plie à l'offre sur le terrain. Ceci dit, dans les milieux de province, il y a plus d'offres sportives qu'à Paris. Les installations sportives sont proportionnellement plus nombreuses qu'à Paris, puisque c'est le dernier département de France. Donc c'est plus facile de faire du sport, c'est plus accessible. Et ceci d'autant plus que la ville à laquelle nous étions rattachés, qui était la ville de Vernon, était une ville très sportive, avec des structures sportives très reconnues à travers la France. Donc ça, en réalité, la pratique quotidienne, la pratique hebdomadaire d'ailleurs, n'était pas très compliqué. Maintenant, il faut se plier aux horaires. C'est-à-dire que l'offre d'horaire est peut-être moins importante que certains très grands clubs parisiens. Et puis surtout, on avait la chance, ça peut vous paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas, d'accueillir un maître de karaté, qui était un Laotien, qui arrivait en France, donc avec des pratiques d'ailleurs pas toujours très adaptées à la culture européenne, mais qui arrivait en France et qui était très très haut niveau. Alors, ça veut dire aussi que lorsqu'on est dans une famille qui pratique le sport depuis un certain temps, on a des valeurs qui sont inculquées à travers ce sport. Les sports que l'on pratique, on les pratique en fonction d'idées que l'on a sur ce qu'elles peuvent apporter à la jeune personne que vous étiez à ce moment-là, Chantal Jouet. Donc, qu'est-ce que les différents sports que vous avez pratiqués avant de pratiquer très sérieusement le karaté, qu'est-ce qu'on vous en a dit quand on vous a dit en tant que jeune femme, jeune fille, eh bien, tu vas faire ce sport et pourquoi ? Moi, j'étais très libre de choisir. Pour mes parents, c'était d'abord une structuration physique. Donc, que ce soit gymnastique, natation ou autre, c'est d'abord pour avoir une structuration et une base des fondamentaux solides. Ensuite, moi, j'avais une passion qui était l'équitation, une vraie passion. Mais j'ai eu de très gros accidents. Vraiment à la limite de ce que mes parents pouvaient supporter. Et par conséquent, ils étaient très hostiles. Ce qui est tout à fait logique de leur part. J'ai quand même poursuivi ensuite. Mais c'était vraiment la structuration physique. Ensuite, l'aspect compétition, il est venu beaucoup plus tard. Mais la compétition en soi est très formatrice. Elle est très, elle vous oblige à vous concentrer. Ce qui est quelque chose que l'école finalement apprend très peu, puisqu'on vous apprend à apprendre par cœur, mais pas à vous concentrer, pas à faire abstraction de ce qui vous entoure, et à savoir focaliser toute son énergie sur un point. Et ça, il n'y a que la compétition qui permet de l'apprendre. Que dit un maître, Chantal Jouanneau, quand vous le rencontrez pour la première fois ? Vous avez quel âge ? Et que vous dit votre maître sur ce qu'est ce karaté, qui est un sport que vous ne pratiquiez pas auparavant et que vous découvrez ? J'avais 9 ans à l'époque, et il parlait très peu le français. Donc, il était surtout dans la démonstration. Et qu'est-ce qu'il dit à l'époque ? Il dit « Karaté, c'est pas la danse ». Donc ça, c'était assez clair de sa part. Et puis vraiment, le karaté, c'est du combat. Hein. C'est une logique de combat. C'est un sport d'attaque. C'est pas un sport de défense, c'est un sport d'attaque. Et par conséquent, lui, il était vraiment dans une logique de combat. Et quand, par exemple, ça arrivait, un élève un peu plus gradé, une ceinture marron, par exemple, faisait mal ou blessait même involontairement une ceinture orange, eh bien, lui, il le prenait en combat et, de manière assez virile, lui expliquait qu'il y a toujours plus fort que soi. Et alors, j'ai vu des hommes atterrir dans les murs. Ouais. Donc, ça vous forge aussi un caractère, j'imagine. Ou ça oui, vous donne mais un exemple. Quand on est jeune, finalement, bon, on trouve que tout ça est normal, on n'a pas envie d'être à la place. Donc c'est ça. Oui, ça forge un caractère. Et ce qui est très amusant, c'est qu'il y avait très peu de filles, évidemment. Hein. On n'était pas nombreuses. Mais finalement, je m'en suis jamais rendu compte. Alors ça, c'est important que de préciser cela, parce qu'on sait très bien la difficulté qu'a eu le sport féminin pour s'imposer en France en particulier, mais dans d'autres pays également. Et vous avez cette chance de pouvoir rentrer un peu par accident, un peu par provocation aussi, vous l'avez dit, dans un sport féminin. Par exemple, ce maître avait-il déjà avait-il déjà donné donc des cours à des jeunes femmes ou des jeunes filles lorsque vous commencez avec lui, ou est-ce qu'il est surpris lui-même que vous vouliez vous adonner à ce sport ? Ça le surprend pas tellement parce qu'en karaté traditionnel, il faisait aussi du karaté traditionnel. Il y a plusieurs pratiques d'armes et il y a des femmes qui pratiquent. Donc non, ça le surprend pas tellement. Mais vraiment, je me suis pas du tout rendu compte du problème à l'époque. Mais vraiment, j'ai jamais fait la différence avec un garçon. J'ai été élevée comme un garçon. Mon père n'était pas plus tolérant à mon égard. Donc, je me suis pas du tout posé la question d'une différence entre filles et garçons dans le domaine du karaté. Les entraînements sont mixtes ? Totalement. Les compétitions sont mixtes ? On faisait des combats mixtes. Il y a certaines compétitions qui étaient mixtes. Maintenant, ça n'est plus le cas. Mais non, moi, j'aimais bien m'entraîner sur des hommes parce qu'on peut plus librement leur taper dessus. Alors, vous montez donc progressivement dans la hiérarchie des compétitions. Vous allez Commencer les compétitions à quel âge les compétitions de niveau national, donc à quel âge Chantal? Les compétitions locales très très tôt, parce que j'ai dû commencer ma première compétition peut-être 5 mois après avoir commencé le karaté. Mais j'étais très vite insupportable. C'est-à-dire que je suis rentrée de mon premier cours de karaté, je me suis postée devant mon père qui était en train péniblement de lire un journal, et j'ai répété 10 fois le mouvement en lui demandant si je le faisais bien. Et tous les soirs, je lui faisais subir cet exercice. Et donc, c'est pour ça que j'ai très vite fait de la compétition, d'abord locale. Et puis, nationale, en fait, j'ai commencé toute petite. Il fallait attendre, à l'époque, d'être cadette, je crois, minime, pour pouvoir commencer la compétition. Donc, on avait le droit, à l'échelle nationale, de commencer que vers 14 ans. Alors, évidemment, quand on sort de son milieu, quand on sort du petit cocon dans lequel on a commencé à faire sa pratique sportive, on est confronté à d'autres logiques. Est-ce que vous avez senti, au fur et à mesure que vous montiez dans les échelons de la hiérarchie sportive nationale, vous avez senti soit des réticences, soit une approche différente, justement, de votre pratique sportive du karaté, Chantal Joanneau? Oui, on le sent assez vite quand on rentre en équipe de France. Voilà. Je ne l'avais pas senti auparavant, hein. Vraiment pas du tout. Mais par contre, en rentrant dans l'équipe de France, on sent évidemment deux choses. La première, c'est que dans la pratique du karaté, mais ça c'est un autre sujet, le kata était, donc la partie technique était moins prisée que la partie combat. Donc on ne s'entraînait pas dans les mêmes lieux. Et puis évidemment que la pratique masculine était beaucoup plus valorisée que la pratique féminine. Comment ça se sent? Beaucoup plus reconnue. Ça se sent, hein, on passe plus de temps à s'occuper des équipes masculines. Alors ça, c'était le cas de l'équipe de France et de l'entraîneur de l'équipe de France. Donc on passe plus de temps à s'occuper des équipes masculines. Il y a plus de monde pour regarder, évidemment. La compétition masculine, elle est beaucoup plus reprise dans la presse que la compétition féminine. Et puis voilà, donc nous, on s'entraînait péniblement au bataillon de Joinville et les autres équipes pouvaient s'entraîner dans des lieux beaucoup plus prestigieux. Et on le ressent de quelle manière? On a l'impression d'être... Il y a une petite humiliation, ou au contraire, on se dit c'est normal, puisque tout compte fait, ça participe d'une société qui considère que le sport masculin est plus prestigieux que le sport féminin. Ah non, on le vit très mal, on le ressent comme une humiliation, d'autant plus quand on fait plus de résultats que les hommes. Donc non, on le vit mal, on le vit de manière totalement anormale. Après tout, la pratique, elle n'est pas plus facile quand on est une femme ou un homme, puisque de toute façon, tout particulièrement sur les katas et la partie technique, elle est codifiée exactement de la même manière. Donc elle n'est pas plus facile, mais ça donne encore plus de volonté pour justement prouver qu'on est meilleur qu'eux. Donc c'est assez motivant. Si vous faites un retour sur cette expérience personnelle, Chantal Joanneau, qu'est-ce qui, dans votre souvenir, marque des étapes justement dans cette prise de conscience? Mais ça se fait plus par petites touches et par ressenti, et on ne s'en rend compte qu'en vieillissant. On ne s'en rend compte que quand on devient adulte. Quand on est jeune, quand on est enfant, on ne s'en rend absolument pas compte. Quand on arrive à l'université, quand on vieillit, oui, là on comprend beaucoup plus facilement qu'il y a une différence. Mais moi, la différence homme-femme, je ne l'ai vécue vraiment qu'en politique, vraiment dans la pratique sportive. Et dès lors que j'ai eu la chance d'appartenir, par exemple, à une équipe qui n'a jamais été battue, on n'était pas contesté. Donc 12 titres 13 de championne de France et 12 de Coupe de France. Donc ça veut dire tous les ans, entre 85 et 92, se préparer, continuer à se préparer pour pouvoir maintenir la médaille qu'on a conquise l'année précédente. Tous les ans, oui, tous les ans. Il y a eu la période très intense de pratique quand j'étais notamment à l'université. Je m'entraînais 4 heures par jour, donc sans aménagement d'horaire, ce qui veut dire que je sortais de l'université puis je m'entraînais très tard le soir. Ensuite, j'ai un peu vécu sur mes acquis. Je ne pouvais pas m'entraîner autant quand je suis rentrée à Sciences Po et plus encore à l'ENA. Mais à l'ENA, j'étais obligée d'arrêter puisqu'on est muté un peu partout à travers la France et à travers le monde. Mais oui, c'est un entraînement permanent, oui, bien sûr. Et est-ce que, justement, quand on embrasse une autre carrière, Sciences Po, l'ENA, Chantal Joanneau, est-ce que cette pratique sportive régulière, récurrente, ces titres sont pris en compte ou pas par les autres instances que vous allez croiser? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs le délire total du système français, que ce soit au lycée pour le bac, que ce soit à l'université. Vous pouvez avoir tous les titres que vous voulez, ça ne compte absolument pas pour la note sportive et ça compte encore moins, bien évidemment, dans le cadre de votre scolarité. Et j'ai un exemple très précis, pardon, en tête, qui prouve que, d'ailleurs, ce sont des torts partagés. Il y avait un stage de sélection de l'équipe de France qui avait lieu en même temps que mes partiels. J'étais en maîtrise. Et comme j'étais quand même plutôt bien partie pour avoir une mention à l'université, j'avais demandé à l'entraîneur de l'équipe de France simplement de pouvoir rater une matinée. Voilà, ce stage se déroulait sur 6 jours, j'ai demandé de rater une matinée. Et il m'a répondu, entre tes études et le sport, il faut faire un choix. J'ai donc demandé de la même manière à l'université si c'était possible d'obtenir une adaptation, qui m'a fait exactement la même réponse. Donc j'ai dû faire le choix, donc j'ai quitté l'équipe de France. Et ça, c'est un choix difficile à faire, ou est-ce qu'au bout du compte, vous vous dites, ben voilà, il faut que je fasse un choix, je le fais en conscience, puisqu'on ne m'autorise pas à faire les deux. C'est une douleur, parce que franchement, on a l'impression, le système est complètement fou. On vous dit de faire du sport, on sait que c'est bon pour et l'éducation et le physique, et puis tout le système, par son organisation très, très sectaire, finalement, vous en empêche. Mais ensuite, quant au choix... Pour moi, il a été très clair, il a été très rapide. Il a été très clair parce que je ne peux pas dire que je m'entendais très bien avec l'entraîneur de l'équipe de France. Donc ça m'a relativement plu de pouvoir aussi le quitter et le laisser en race campagne. Mais en plus encore, de toute façon, c'était évident que dans le domaine du karaté, une carrière était quasiment impossible pour une femme. Quasiment, il y a quelques femmes qui s'en sortent. J'ai une très bonne amie qui, elle, a poursuivi et qui a un très beau club, mais elle n'en vit pas. Donc, quoi qu'il advienne, c'était évident qu'il fallait poursuivre mes études. Alors, comment expliquez-vous ça, justement, que poursuivre une carrière de sportive professionnelle est difficile, voire impossible, selon vous, enfin, en tout cas, dans les années qui étaient vos années de compétition, Chantal Joanneau? Bah, d'une part, le karaté est un art peu féminin. Enfin, la représentation symbolique du karaté n'est pas très féminine. Donc, pour une femme, c'est plus difficile. D'autre part, de toute façon, les clubs de karaté ne sont pas des très gros clubs. Enfin, ce n'est pas un sport qui génère une activité qui génère de l'argent. Et puis, globalement, on voit effectivement, ça se voit très bien sur l'équipe de France de football, par exemple, que la moyenne des rémunérations pour les femmes dans le domaine du sport est très, très, très, très, très inférieure à celle des hommes. Alors, vous dites que ça ne génère pas d'argent. Est-ce que c'est important, selon vous, qu'il y ait justement des sports qui génèrent de l'argent, d'autres qui n'en génèrent pas? Et est-ce que dans cette compétition, qu'on pourrait dire compétition homme-femme et aussi compétition sport professionnel, sport plus ou moins amateur, il y a quelque chose qui niche de cette question de l'argent qui tourne autour de cette question? Oui, tout tourne autour de l'argent. Je ne crois vraiment pas, enfin, ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent dans un sport qu'il devient plus vertueux pour la société. Au contraire, d'ailleurs, on n'a que des exemples inverses. Donc, il faut de l'argent pour les sports, pour le très haut niveau. Il faut de l'argent pour qu'on puisse s'entraîner librement et s'investir librement. Mais ensuite, qu'on récupère énormément d'argent et qu'on puisse en vivre, en général, ça pervertit énormément les esprits. La compétition et le sport est vertueux en soi, vraiment en soi. Et effectivement, l'argent qu'il y a dans le sport pervertit beaucoup la mentalité. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez quitté l'équipe de France parce que, entre autres, l'entraîneur n'était pas tout à fait à votre convenance. Est-ce que vous trouvez normal que les équipes féminines soient la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, entraînées par des entraîneurs masculins? C'est-à-dire, est-ce qu'au bout du compte, il y a toujours cet encadrement masculin qui semble toujours tenir de, disons, du pensionnat de jeunes filles, pourrait-on dire, du 19e siècle, avec, quelqu'un qui est là pour surveiller et que tout se passe bien? Mais vous prenez, quand j'étais ministre des Sports, sur 115 fédérations de sport, il y en avait 7 seulement présidées par des femmes. Prenez une pratique sportive qui est extrêmement féminine comme l'équitation. Toutes la fédération, quasiment toute la fédération est masculine. Donc c'est effectivement l'encadrement dans la grande majorité des sports est un encadrement masculin. Et ça se reproduit même au niveau du ministère, puisque en directeur technique national, à l'époque, on avait sur un sport olympique, on n'en avait qu'une. Donc, c'est quoi, c'est le plafond de verre ? C'est vraiment le... Alors, il y a beaucoup... C'est le plafond de verre. Il y a un plafond qui est très intériorisé par... par les femmes, ça c'est une évidence. Et puis, effectivement, il y a une organisation qui fait qu'on considère que les fonctions sérieuses sont plutôt réservées à des hommes. Mais sur l'entraînement, c'est frappant. Il y a quelques équipes qui sont entraînées par des femmes, en taekwondo par exemple. Mais globalement, elles sont entraînées par des hommes. Moi, je ne vais pas être malhonnête. Ça ne me dérangeait pas que ce soit un homme. Si je ne m'entendais pas avec lui, c'était pour d'autres raisons et on n'avait pas les mêmes techniques, donc on n'était pas en phase. Mais sinon, ça ne m'aurait pas dérangé de me faire entraîner par une femme, mais ça ne me dérangeait pas que ce soit un homme, je ne me suis pas posé la question. Quelles sont les valeurs... Je lui demandais juste d'être bon. Ce qui n'était pas visiblement selon vous. Non. Quelles sont les valeurs selon vous qui ont été portes, que vous avez découvertes en tant que valeurs donc sportives, à ce moment où vous étiez justement aux championnes de France, Chantal Joanneau, et qui vous ont peut-être servi ensuite, soit comme femme, soit comme femme politique, dans votre pratique politique ? Oui, il y en a plein. Il y en a énormément. D'ailleurs, la première valeur qu'on apprend au sport, c'est l'effort. Puis le sport, ça ne trahit pas, c'est-à-dire que l'effort paye. Donc vous vous entraînez de manière très astreignante, parce que c'est souvent très astreignant. Vous pouvez répéter 100, 200, 300 fois le même mouvement pour essayer de frôler la perfection qu'on n'atteint jamais d'ailleurs. Mais donc l'effort, ça c'est, je l'ai beaucoup utilisé d'ailleurs après, hein, quand j'ai préparé mes examens. Je travaillais, je ne prenais pas de vacances, je travaillais de 7h30 le matin, 7h30 le soir, tous les jours, week-end compris. Comme un entraînement sportif, avec un programme de travail complètement préétabli. Donc l'effort. Le deuxième, c'est la gestion du stress. On sait utiliser et transformer le stress négatif en énergie positive. Et ça, on s'en sert mais tous les jours dans la vie quotidienne et la vie professionnelle. Le troisième, c'est lié à la gestion du stress, c'est la concentration. C'est la capacité à faire totalement abstraction de ce qui vous entoure. Et la concentration, ça fait gagner un temps fou et ça permet d'être beaucoup plus créatif. La quatrième, c'est énormément de respect. C'est-à-dire que quand... moi, je pratiquais énormément en plus en équipe. J'aimais bien faire équipe. Voilà. Donc quand on est en équipe... On respecte les autres. Déjà, on n'a pas le droit de faire une erreur parce que c'est toute l'équipe qu'on fait tomber. Et puis, on se sent les unes les autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dépasse très largement ce que votre cerveau peut concevoir. Quand on fait équipe, vous savez, ça doit être parfaitement synchronisé. Sans même voir les autres, on sait s'il y a un problème ou pas dans l'équipe. Et ça, c'est assez magique, mais c'est totalement imperceptible et c'est totalement incompréhensible pour les personnes qui ne pratiquent pas du sport. Ensuite, il y a ce que l'on appelle l'école du vestiaire, ce qui est particulièrement vrai en karaté. Vous avez un kimono. Une fois que vous avez le kimono, vous vous retrouvez dans une séance d'entraînement, vous allez faire un combat contre quelqu'un où vous ne savez absolument pas qui c'est. Quel est son métier, quel est son statut social, quel est son niveau de revenu. Donc, vous vous trouvez sur un plan total d'égalité et du coup d'échange et de partage, et en dehors de toutes les conventions sociales qui peuvent exister. Et ça, c'est aussi assez sain. Ça vous permet de tout relativiser. C'est-à-dire que les meilleurs sur le tatami ne sont pas nécessairement, entre guillemets, les meilleurs ou les plus reconnus dans la vie. Et ça, je trouve ça aussi assez sain. Nous, on appelle ça l'école des vestiaires. Le kimono, vous avez gardé le même kimono pendant des années, c'est cela ? Je suis très fétichiste. C'est aussi ça, la compétition. C'est aussi ça, la compétition. Une sorte de croyance un peu magique, pourrait-on dire. Totalement irrationnelle. Mais je suis très, très fétichiste. Donc, j'avais mes gris-gris qui ne me quittaient pas, et dont un kimono. Et mon kimono de compétition, en tout cas au niveau, a toujours été le même. Alors, je vous rassure, on les lave. Hein, mais ce sont des toiles extrêmement, extrêmement résistantes. On peut les garder des années. Je l'ai toujours. Autant j'ai donné ma ceinture noire de compétition Louis Nicolin, parce que c'est un le homme... Le patron de l'équipe de foot de Montpellier. Exactement, parce que c'est un homme attachant et qui est un collectionneur. Et il demande à chaque grand sportif de lui laisser quelque chose. Donc, c'est ce que j'ai fait. Autant mon kimono me suit partout, même si, effectivement, je ne le mets pas ou peu. Alors, il est déchiré de partout, mais c'est toujours le même. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait qu'on passe d'une carrière sportive à une autre carrière. Vous nous disiez tout à l'heure que pour vos examens, on ne vous avait pas tenu gré d'avoir été 12 fois championne de France. Est-ce que plus tard, lorsque vous avez donc passé l'ENA, est-ce qu'ensuite vous avez fait autre chose, on vous a dit c'est bien d'avoir fait du sport, c'est intéressant, ça forme le caractère ou ça vous donne ces vertus que vous nous avez présentées tout à l'heure? Et jamais, sauf une fois. Jamais. Alors, l'ENA, jamais. Alors si deux fois en fait, je me trompe deux fois. Quand je suis rentrée dans le corps préfectoral, j'ai rencontré un grand préfet qui m'a dit « Oh mais ça c'est génial, une femme qui fait du karaté, il faut continuer, c'est une preuve de caractère, c'est très très bien. » Et puis une deuxième fois, je suis rentrée au cabinet de Nicolas Sarkozy en 2002 pour être sa plume. Et peut-être 6 mois, oui, peut-être 6 mois après que je sois rentrée, parce qu'en fait, je ne me vantais absolument pas de ce parcours. Hein, personne, à la limite, on n'en parlait jamais. Et je pense que Nicolas Sarkozy a dû le découvrir à peu près 6 mois après. Et il était très étonné. Alors lui, il trouvait ça génial, parce que lui, c'était un amoureux du sport. Mais du sport en tant que spectateur et du sport dans sa pratique. Donc lui, ça lui plaisait beaucoup. Alors, vous abandonnez progressivement ce sport, sinon pour le pratiquer peut-être personnellement. Et puis, vos fonctions politiques vont faire qu'à un moment ou à un autre, vous allez retrouver ce chemin, mais en tant que ministre des Sports. Qu'est-ce que ça change de se retrouver au sommet de la hiérarchie, et en particulier de vous retrouver face à tous ces directeurs de fédération dont vous nous parliez tout à l'heure, Chantal Joanneau? Moi, j'ai toujours continué à pratiquer du sport. Donc, même si je ne pouvais plus faire de karaté parce que je ne pouvais pas... respecter les horaires des entraînements, j'ai continué la course à pied, je fais d'autres sports, donc j'ai toujours continué à pratiquer. Quand j'étais sportive, je n'aimais pas les encadrements, je les appelais les par-dessus, parce qu'ils nous accompagnaient sur des compétitions, et puis ils servaient strictement à rien. Donc à part notre entraîneur qui nous était utile, les autres nous ressemblaient plutôt à des personnes qui effectivement profitaient du voyage pour aller se promener. Et très honnêtement, quand vous êtes sportif, vous avez une très très mauvaise vision de tout cet encadrement qui vous suit, qui parfois nous accompagnait sur des voyages, ils ne parlaient même pas de langue étrangère, donc ils ne nous servaient vraiment à rien. Et on les appelait les par-dessus. Et... quand je me suis retrouvée à la tête du ministère des Sports, j'avoue honteusement que j'avais toujours un peu cette vision des fédérations de sport. Mais ensuite, voilà, il faut travailler avec. Et quand vous êtes ministre des Sports, malheureusement, vous voyez très peu les sportifs. Et vous ne traitez quasiment qu'avec les responsables des fédérations, beaucoup n'étant pas sportifs du tout d'ailleurs. Et c'est un peu frustrant. Donc je passais beaucoup de temps à l'INSEP, qui est l'institut justement qui forme les sportifs de haut niveau. Pour aller rencontrer les sportifs, aller voir les entraînements, parler avec eux de la préparation mentale, la question de la nutrition, parce que ça permettait de voir des sportifs, puis sur les compétitions aussi. Est-ce qu'il y avait chez vous, même si les fonctions politiques ne sont pas forcément attribuées selon disons le plaisir du ministre qui va les occuper, est-ce qu'il y avait l'envie de retrouver justement cette partie-là de votre itinéraire, puisque ça correspond, je crois, à quelques mois près, à votre volonté de repasser donc une nouvelle compétition en équipe de karaté kata? Non, les deux sont totalement dissociés. En réalité, c'est une émission de Stade 2 qui a fait que j'ai retrouvé mes anciennes collègues de karaté. Puis donc ils un peu perdu de vue quoi, l'équivalent. Oui, on se rencontrait, mais on avait pas mis le kimono ensemble. Et puis pour l'émission, il fallait remettre le kimono et on s'est amusé à faire ce qu'on appelle un kata ensemble. Et puis là, aux surprises, on se dit finalement c'est pas si mal. Et là, une fois que la caméra est partie, on fait ce pari parfaitement idiot, surtout pour une ministre, de dire tiens, si on se faisait une compétition. Donc on se prépare en cachette. Parce que l'équipe, vous savez, elle était inscrite au nom du club. Il n'y a pas les noms des participants. L'équipe n'apparaissent pas. On se prépare en cachette. Et là, l'expérience a certainement joué, puisque dans cette équipe, je vous le disais, on n'a jamais été battu. Et il y a une de mes collègues de l'équipe avec qui je fais équipe depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc on n'a même pas besoin de se regarder, on sait ce que fait l'autre. Et là, la magie a joué, on a gagné. Et on a gagné contre des jeunes filles qui auraient pu être nos propres filles, d'ailleurs, compte tenu de la moyenne d'âge de notre équipe. Mais c'est totalement dissocié. C'était un pari. Voilà, ma vie n'est pas assez compliquée. Je me suis dit, tiens, on va rajouter un peu de complexité et un petit peu de piment. Et ensuite, quant à être ministre des Sports, ce n'était pas nécessairement une aspiration. C'est parce que j'adore le sport, j'adore le pratiquer. Mais le ministère des Sports est un ministère amputé qui n'a pas de budget. 600 millions, grosso modo, d'euros de budget, hein, si on compte les deux. Quand j'étais présidente de l'ADEME, on avait quasiment atteint le milliard. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout à l'échelle... On n'est pas à l'échelle du problème. On n'est pas du tout à l'échelle du problème. En plus, il est amputé puisque la partie sport à l'école relève du ministère de l'Éducation nationale et que les uns et les autres ne se parlent pas. Il y a très très peu de compromis entre les uns et les autres parce qu'au sein de l'éducation nationale, on n'aime pas la logique de la compétition qui pourtant est assez vertueuse. Donc c'est la raison pour laquelle je sais que les ministres des sports sont souvent très utiles pour aller assister à des compétitions, mais qu'en termes d'action, nos leviers d'action sont très faibles puisque ce sont les collectivités qui ont l'essentiel des deux leviers d'action. Et ça, il faut le reconnaître. Donc on intervient sur les valeurs. Lutte antidopage, la tricherie avec les paris sportifs, le comportement de l'équipe de France, mais uniquement sur les valeurs. C'est une parole très symbolique. Alors quand on est femme, ministre des Sports, est-ce qu'on a une attention plus axée justement sur l'égalité ou le manque d'égalité dans les fédérations sportives entre sport masculin et sport féminin? Je crois qu'à peu près 7 ou 8 ans avant que vous n'arriviez, il y avait 1 500 000 femmes qui pratiquaient le sport dans des fédérations, ce qui n'est pas rien, plus évidemment d'hommes. Mais qu'est-ce qui se passe et comment peut-on faire justement le départ entre les deux? Oui, on le fait spontanément parce que, j'allais dire par solidarité, on essaye de faire en sorte que les bonnes équipes, les bonnes pratiquantes soient effectivement mieux mises en valeur et donc profitent de notre notoriété pour les mettre en valeur. C'est la raison pour laquelle moi j'avais assisté à des matchs de l'équipe de France de foot parce que je trouvais ça féminine, parce que je trouvais ça vraiment sympa. C'est un autre jeu, c'est une autre technique et c'était agréable à découvrir. Donc oui, on le fait. Et puis parce que aussi dans la vertu d'intégration du sport, c'est très utile dans certains quartiers de permettre aux jeunes filles de pouvoir pratiquer du sport et de sortir de chez elles et de s'émanciper. Donc ça, oui, vraiment. Et je pense qu'on est assez... Enfin, j'espère en tout cas. Je suis pas sûre, mais j'espère qu'on est assez utile dans ce domaine et de sensibiliser les fédérations à la nécessité de s'ouvrir aussi, de pas rester 100% masculine parce que ça apporte autre chose. Et puis parce qu'on voit que la pratique du sport, de l'activité physique est très féminine et que le grand paradoxe, c'est que les femmes pratiquent bien sûr autant que les hommes. Par contre, en compétition, elles pratiquent beaucoup moins. Vraiment, mais beaucoup moins. Moins dans la compétition et ça m'agace beaucoup parce qu'il n'y a pas de raison. Et justement, vous l'expliquez comment ? Elles s'auto-censurent énormément, vraiment énormément. Elles estiment que non, c'est pas nécessaire, qu'elles s'auto-censurent. Parce qu'il n'y a pas de raison. Les compétitions féminines, masculines, elles sont séparées. Donc il n'y a pas de raison, sauf dans certains sports, comme par exemple l'équitation. Mais même en équitation, c'est un sport qui est essentiellement une activité essentiellement féminine. Vous prenez la compétition à haut niveau, vous avez très peu de femmes. Donc elles sont vraiment beaucoup dans l'autocensure. Et là, vous en discutez avec les patrons de fédération, qui sont souvent des hommes, vous en discutez avec eux, et que disent-ils? Ils disent on n'y arrive pas, on ne peut pas, il n'y a pas de possibilité. Oui, c'est le même discours que les partis politiques. Hein. C'est on ne les trouve pas, vous comprenez, les femmes ont autre chose à faire, elles n'aiment pas. Donc ça, c'est le même discours que les partis politiques. Mais bon, eux, c'est plus facile à faire bouger les fédérations que les femmes en tant que telles. Et ce qui est important, c'est qu'au-delà de ça, on passe le discours et par l'exemplarité auprès des femmes pour leur dire « mais non, il n'y a pas de raison, enfin, vous pouvez tout à fait réussir aussi bien, et il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas vous aussi de la compétition et du haut niveau ». La compétition féminine, qui fait naître encore quelques oppositions, a tout de même gagné l'estime d'une majorité. Organisées par le Haut Commissariat à la Jeunesse et au Sport, les récentes journées d'études du sport féminin ont obtenu à Paris la participation d'une soixantaine de spécialistes appartenant au monde du sport, de la presse et de l'enseignement. ORTF, 1965. 11:30. Docteur, excusez-nous, on vous dérange quelques instants. Qu'est-ce que vous faites en ce moment exactement? Je suis en train de faire des contrôles médicaux sportifs au Club des nageurs de Paris. Docteur Albert, vous vous intéressez beaucoup à la médecine sportive. Vous êtes un sportif vous-même puisque vous avez remporté en 1962 le marathon, vous avez été champion de France. À ce titre, je voudrais vous demander ce que vous pensez de la compétition, mais pour les femmes. Le sport de compétition pour les femmes est un problème, évidemment. On a des congrès là-dessus. Ça peut être à la fois tout à fait bénéfique et tout à fait maléfique. Tout dépend comment c'est organisé, de quel sport il s'agit. Est-ce qu'il y a des spécialités qui s'adaptent plus facilement à la femme? Des disciplines sportives, moi, je verrais avant tout, certainement la gymnastique, c'est très beau. Je verrais certainement la natation, oui, pourtant qui est un sport très très dur, hein, n'est-ce pas? Mais qui ne fatigue pas les ligaments, les articulations, n'est-ce pas? Un peu de claquage en natation. Je verrais certainement l'athlétisme, mais oui, mais pour une élite, n'est-ce pas? Car c'est vraiment très laid de voir une femme qui n'est pas douée pour, n'est-ce pas, courir sur une piste. C'est pas bon. Il faut que ça soit très bon. Dans ce parc magnifique où Voltaire fit ses premiers pas, des femmes et des jeunes filles de 18 à 30 ans pratiquent chaque jour tous les sports. La durée des études est de 3 ans, mais les élèves de l'école normale supérieure ont tout de suite la qualité de fonctionnaires stagiaires et perçoivent un traitement. Mais parallèlement à l'athlétisme, à la natation et au sport d'équipe, elles ont également des séances de danse folklorique, de danse rythmique, des séances d'éducation physique et de gymnastique au sol. Ainsi, ces jeunes femmes acquièrent-elles des qualités qui sont celles que doit avoir la femme du XXe siècle. Mais sur ce point, les avis sont encore un peu différents. Nous pensons que le sport apporte à la jeune fille un élément extrêmement vigoureux, si vous voulez, lui donne la vitesse, lui donne la rapidité des réflexes, lui donne la force aussi. Une femme, elle doit être féminine, tout charme, délicatesse, fragilité, un peu, pour se faire protéger. Une femme doit être tout en harmonie, mais pas en muscle, en stature, en os. Alors, vous vous trouvez donc, Chantal Jouanneau, ministre des Sports, à un moment, en 2010-2011, où les débats, par exemple, sur le type de sport que l'on pratique, et surtout au niveau mondial, la possibilité pour les femmes de pratiquer, ça n'est pas un débat évident. On se retrouve avec des débats avec des pays musulmans, oui. Certains pays musulmans, l'Iran ou d'autres, qui se posent la question de quel type de voile peut-on autoriser pour que telle ou telle championne pratique. Comment on réfléchit à cela quand on a été soi-même pratiquante d'un sport dans un pays comme le nôtre, Chantal Jouanneau? Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est très difficile et moi, je suis très partagée. Parce que une lecture très stricte du principe de laïcité, qui est normalement un principe inscrit au comité olympique, nous dirait pas de voile, voilà. Pas de signe religieux, donc pas de voile. On ne porte pas de signes religieux quand on pratique. De toute façon, on n'a pas le droit de porter des bijoux. Donc, et en même temps, si on fait ça, on les coupe complètement de toute forme d'émancipation. Et que c'est vrai que si ça ne pose pas de problème de sécurité, après tout, pourquoi pas. Moi, je suis très partagée. J'avoue que parfois, je discute avec les uns, je dis « vous avez raison », avec les autres, je dis « vous avez raison ». Je suis vraiment très partagée. Je trouve que dès lors que ce n'est pas ostentatoire, il ne faut pas les empêcher de pratiquer. Sinon, vous coupez toute une partie. Le sport, il est universel. Il est fait au contraire pour intégrer. Il est fait au contraire pour émanciper. Et si vous avez une lecture trop stricte, notamment sur le voile, vous les empêchez de s'émanciper. Parce que vous pensez véritablement que c'est une des vertus de ce sport, du sport, pratiqué de façon internationale en particulier, que d'ouvrir. L'émancipation. D'ouvrir. Il ne faut pas trop... C'est d'ouvrir. C'est vraiment d'ouvrir. C'est de permettre au peuple de se parler en dehors des politiques. Et les sportifs, vous savez, quelle que soit leur nationalité, une fois qu'ils sont ensemble, ils se parlent. Et c'est quand même une des grandes vertus du sport, c'est que les peuples se parlent en dehors des politiques. C'est l'un des rares lieux où on peut le faire. Donc, et puis la réappropriation du corps, c'est vraiment un des premiers facteurs d'émancipation, la valorisation du corps. Vous savez, c'est valable pour, évidemment sur le plan religieux et identitaire, mais c'est valable pour d'autres, dans d'autres domaines. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec une association qui est le Refuge, qui accueille des jeunes qui sont en rupture avec leur famille parce qu'ils ont déclaré leur homosexualité. Et ces jeunes sont très souvent, il y a un taux de dépression et de suicide important. Bah, un des éléments pour justement pallier contre cette dépression, c'est la pratique du sport et la réappropriation du corps, la revalorisation du corps. On fait pareil, évidemment, avec des personnes en situation de handicap. Donc, oui, ça a des vertus d'émancipation, mais au sens le plus large du terme. Lorsque vous étiez au ministère des Sports, j'imagine que vous avez dû réfléchir à cette place, même si vous êtes resté que 9 mois, je crois, au ministère des Sports, à cette place qui est cette place singulière d'une femme à la tête d'un ministère de ce type, et réfléchir peut-être aussi à vous remettre en ligne par rapport aux pionnières. Est-ce que vous êtes réapproprié en tant que ministre l'histoire des pionnières qui, depuis le baron de Coubertin, qui était hostile à la présence très féminine, lui, très hostile, les Alice Milia ou les autres, Marie-Thérèse Ekem, etc. J'ai jamais été très en phase avec le baron de Coubertin. Donc, quand j'allais à une compétition, le principe, l'important, c'est de participer. Non, pour moi, l'important, c'était de gagner. Donc, j'étais pas très en phase avec ce qu'il disait. Ça ne fait que confirmer ce que j'en pensais. Mais oui, on essaye. Alors, en fait, j'allais dire que presque automatiquement, on s'inscrit dans cette lignée. Parce que de toute façon, on adapte notre politique et notre manière de faire à ce qu'on est. Et quand on est une femme, on est beaucoup plus sur le terrain, effectivement, des valeurs. Que quand on est un homme. Et puis, ce que j'aimais bien, ce que je portais beaucoup, c'est cet aspect un petit peu défi. Vous savez, pendant longtemps, les femmes ont été interdites de marathon parce qu'on considérait que les femmes ne pouvaient pas pratiquer le marathon. Aujourd'hui, elles ont des performances qui sont en train progressivement de rattraper les hommes. Donc, en vitesse pure, non, mais en marathon, elles sont en train de rattraper les hommes. Et ça, cet aspect-là, défi, montrer effectivement que les limites sont souvent construites et pas réelles, ça me plaît beaucoup. Et dans cette construction justement des identités, il y a tout ce débat qui ont été récurrents depuis la création du sport à la fin du 19e siècle, son développement, sur est-ce que c'est bon pour le corps des femmes ou est-ce que ça n'est pas bon pour le corps des femmes, est-ce que c'est bon pour la maternité ou est-ce que ça n'est pas bon pour la maternité. Vous avez dû entendre ça de façon très récurrente depuis que vous avez commencé votre carrière de sportive, Chantal Jeannot. Oui, c'est un peu moins fort. C'est vrai que la pratique du sport a d'abord été un héritage militaire, un peu d'ailleurs comme la politique finalement. Donc, et d'ailleurs, on retrouve souvent les mêmes discours et les mêmes travers dans les deux champs. Oui, ça, on l'a beaucoup entendu. Maintenant, pour être très pratiquante moi-même, ce sont des éléments sur lesquels je peux répondre assez facilement. Quand j'étais enceinte de mes jumeaux, je faisais 1000 mètres de natation par jour jusqu'à 7 mois. Ils sont arrivés à terme, ils sont en pleine forme, donc je peux tout à fait répondre sur la question. Il y a un usage particulier de l'identité d'une femme sportive et ministre, comme vous l'avez été. C'est un usage journalistique qu'on a bien vu dans beaucoup de titres qui ont été accolés à votre travail de ministre. La Karate Kid de Sarkozy, par exemple. C'est mignon, mais en même temps, qu'est-ce que vous pouvez en penser? C'est-à-dire cette façon aussi de prendre cela un peu par le petit bout de la lorgnette. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Chantal Jeannot? Oui, on catalogue souvent, effectivement, les personnes. Maintenant, quand on est ministre des Sports, le gros risque, c'est le procès en illégitimité. C'est vraiment, pour la plupart des ministres des Sports, vous pouvez les prendre historiquement, ça a toujours été, pas sportif, il n'y connaît rien. C'est pour ça qu'on a eu Alain Calma, Bambuc et d'autres exactement. Avant vous. Exactement. Donc, et puis quand on a des sportifs, on va expliquer qu'ils ne sont pas doués, qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils ne savent pas faire de la politique. Donc c'est pas un ministère, quand on arrive, qui est très facile à prendre, parce que vous avez toujours le risque de ce double procès. Donc, j'ai pas été victime de ce procès. L'image a pas été méchante en réalité. J'avais ma caricature, je sais, au guignol. Elle était mignonne comme tout, puisque j'étais habillée en karatékat et je tapais les vilains promoteurs immobiliers qui voulaient construire là où il faut pas. Donc, c'était pas ça, méchant. Ça, c'est quand vous étiez ministre de l'écologie. Exactement, c'était pas méchant. Alors ensuite, vous quittez le ministère des Sports, c'était donc en 2011, et puis vous poursuivez votre carrière. Vous êtes sénatrice à Paris, ici, et c'est pour ça que vous nous recevez dans cette bibliothèque du Sénat, Chantal Jeannot. Mais vous avez quand même continué tout au long de ces années, ces 2 ou 3 années qui nous séparent de ce ministère, à travailler sur des questions sportives de loin en loin, à vous intéresser à la question de l'Euro de football, je crois, à vous intéresser à la question du dopage. Qu'est-ce que, justement, cette antériorité, ce regard porté sur votre trajet, qui remonte à très loin dans la pratique sportive, vous donne comme moyen, aujourd'hui, en tant que sénatrice, de travailler sur ces questions-là ? Le moyen principal, c'est la légitimité. Ça, j'allais dire d'ailleurs, comme ancienne ministre des Sports, je n'ai pas le droit de ne pas m'y intéresser. Et quand on fait une commission ici, une mission d'enquête sur le dopage, je n'ai pas le droit de rester en dehors de cette réflexion. Oui, j'étais vice-présidente, donc je n'ai pas le droit de rester en dehors de cette réflexion. Et puis, deuxièmement, outre tout le savoir que j'ai acquis en tant que ministre et l'expérience, il y a aussi toutes les personnes avec qui j'ai toujours des contacts pour pouvoir en parler, pour pouvoir échanger très concrètement sur ces sujets. Parce que les questions, si vous prenez le dopage, les questions de dopage qui se posent en karaté ou dans d'autres sports ne sont pas les mêmes que celles qui vont se poser dans le cyclisme ou ailleurs, même si la question de l'infraction aux valeurs est toujours à peu près la même. Mais les méthodes et l'ampleur du problème sont différentes. Alors, il y a évidemment des différences selon les sports. Vous avez dû le percevoir lorsque vous étiez au ministère des Sports. En l'occurrence, Chantal Jouanneau, certains sports sont plus égaux que d'autres, pourrait-on dire. C'est-à-dire le football, le cyclisme peut-être, le tennis professionnel ont à la fois une audience, une façon de se présenter dans la société qui est totalement différente, peut-être aujourd'hui le rugby aussi, totalement différente des autres sports parmi lesquels il y avait évidemment le karaté. Qu'est-ce que vous pensez de cela et de justement cette différenciation dans ce qu'on appelle ce grand domaine du sport entre des sports qui sont majeurs au point de vue économique en particulier et d'autres qui sont, disons, plus marginaux ? Ça, c'est... Je ne pense pas de mal. Je sépare complètement l'ampleur populaire, la question de l'ampleur populaire, qui est la question que vous me posez, de la question de l'argent. L'ampleur populaire, c'est les Français qui décident. Ils préfèrent pratiquer du foot plutôt que du karaté. Ils sont tout à fait libres de le faire. Donc, c'est vraiment eux qui décident. Après, il y a la question de l'argent. Et là, on a un monde à part, qui est celui du foot, et le reste. Le rugby qui devient un peu limite, mais... Et le reste, c'est cette question de l'argent qui fait qu'une partie du sport, mais c'est même pas d'ailleurs tout le foot, hein, c'est que une petite partie du foot qui tombe dans cette organisation, qui fait qu'on est plus sur du sport spectacle événementiel. Ça n'enlève rien aux vertus physiques des joueurs. Enfin, dans la présentation, c'est très, très, très événementiel et spectacle. Et de temps en temps, on va voir du côté de chez les footballeuses féminines. Oui. Mais disons qu'on ne va pas tellement les voir. On va beaucoup moins les voir. Rarement, alors qu'elles ont des parcours exceptionnels, qu'elles se comportent très bien, que ce sont des matchs sympathiques à voir parce qu'il y a énormément de buts. Il y a beaucoup plus de buts. Alors, les frappes très puissantes sont moins nombreuses, mais c'est beaucoup plus technique. C'est très rapide comme jeu, en plus. Et puis, il y a beaucoup de buts. Puis, elles sont vraiment sympathiques, ces filles. Et malgré tout, les médias s'en désintéressent un peu, sauf lorsqu'elles gagnent une compétition internationale. Et puis ensuite, elles retombent dans une sorte d'anonymat. Oui, et puis la pratique est très... Est très faible, pratique du football. Enfin, la pratique féminine, c'est l'un des scores les plus faibles de toutes les fédérations, hein, pour le football. Et puis, on a effectivement des médias, mais comme l'équipe qui fait très peu de une sur des femmes. Je leur ai déjà dit, alors c'était maintenant quand ils en font une, ils me l'envoient pour me dire qu'ils ont fait une avec les femmes. C'est un vrai débat entre nous, mais c'est bien, au moins ça les stimule. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, après votre expérience ministérielle de pratiquante du sport, votre regard porté dans les commissions dans lesquelles vous êtes au Sénat sur ces questions, soit de dopage, soit d'égalité entre les hommes et les femmes, qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, pour favoriser, selon vous, une pratique plus large, une meilleure visibilité, une façon d'être, disons, des fédérations plus sensibles à cette question de l'égalité entre femmes et hommes dans la pratique sportive ? Il y a trois choses. La première, c'est que plutôt que de donner de l'argent à des fédérations pour leur dire « vous devez promouvoir la pratique féminine, donc on va faire trois affiches qu'on va payer », il faut à l'inverse leur dire « si vous n'obtenez pas tel résultat en termes de parité, vous n'avez plus de subvention publique ». C'est beaucoup plus efficace. C'est comme la parité en politique. Voilà, il faut inverser complètement la logique. Une sorte d'obligation légale, quoi. Il faut retrouver complètement l'unité qu'il y a entre le sport à l'école et le sport tout court, parce que le sport à l'école, par définition, il est totalement mixte. Et pour qu'il y ait une continuité, pour que quand vous engagiez une pratique de sport à l'école, vous puissiez ensuite la poursuivre dans un club. Et là, on amènerait beaucoup plus de jeunes filles, surtout quand elles sont... Le problème, c'est qu'on perd beaucoup les filles à l'adolescence. Donc, on les amènerait beaucoup vers la pratique du sport. Et puis, globalement, même pour que le corps médical soit beaucoup plus actif et devienne prescripteur de sport et pas simplement le médecin qui va interdire, au contraire, la pratique du sport. Et là, vous sentez que sur chacun de ces points, il y a encore des résistances qui sont fortes, moyennes. Alors, il y a plus que des résistances, puisque moi, j'avais engagé la première politique sur l'invention des financements publics. Celle-ci, elle a été complètement arrêtée. Les négociations avec les médecins ont totalement achoppé. Et les négociations avec l'éducation nationale, c'était une de mes propositions, d'ailleurs, aux candidats dans le cadre de la campagne présidentielle, n'ont jamais été portées. Donc... Ça reste encore des vœux pieux, mais bon, ça n'empêche qu'on va continuer à les porter. Et sur la question de la sexuation, comme disent les chercheurs ou les chercheuses persistantes des sports, est-ce que vous pensez qu'à un moment ou à un autre, comme d'ailleurs au tout début du XXe siècle, certaines des pratiques, vous parliez d'équitation, mais elles étaient beaucoup plus nombreuses, étaient totalement mixtes. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi agir dans ce sens-là, c'est-à-dire remettre ensemble hommes et femmes dans des compétitions qui peut-être ne sont pas pour des questions physiques tout à fait égales, mais dans d'autres où cette question physique ne porte pas préjudice à la compétitrice, permettrait justement de les mettre face à face? Mais c'est très difficile, ça, de répondre à cette question, parce qu'il y a effectivement des sports dans lesquels la différence est évidente. Enfin, on peut pas, y a des sports pour lesquels les femmes, vous prenez la course de vitesse... Les 100 mètres, sera difficile aux femmes de rivaliser avec les hommes. À l'inverse, vous les mettez sur le marathon, elles pourront rivaliser avec des hommes. Donc, il va falloir fixer des catégories et les enfermer dans des catégories. C'est très difficile de répondre à cette question. Je pense que la nature, moi je respecte beaucoup la nature, elle fait effectivement que vous avez des physiques plus propices à certaines activités qu'à d'autres. Moi, j'ai pas un physique de danseuse classique. Par conséquent, dire que dans tous les sports, demain, les femmes pourront rivaliser avec les hommes, je n'y crois pas tellement. On peut ouvrir sur certaines disciplines, mais le problème, c'est comment est-ce qu'on va fixer la limite ? Merci Chantal Joanneau de nous avoir accueillis donc ici dans la bibliothèque du Sénat à propos justement de cette question du sport féminin. Nous continuerons toute la semaine de traiter de ce sujet, même si demain, pour une raison très particulière, nous faisons une journée de 24 heures autour du sauvetage de la presse en France. Nous ne parlerons pas du sport, mais mercredi, nous viendrons avec Véronique et Davina, c'est-à-dire la gym tonique. Et puis ensuite, nous reviendrons sur ses origines avec des historiennes et des historiens sur ses origines du sport au 19e et au 20e siècle. Merci encore. Merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie Vanna Bolivier et Aurélie Marsay. La prise de son ici au Sénat était assurée par Tanguy Le Corneau et la réalisation par Renaud Dalmar. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, comme d'habitude, vous pouvez aller sur le site internet www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion, la télécharger pendant 1 an après sa diffusion et laisser vos commentaires sur nos pages www.franceculture.fr, La Fabrique de l'Histoire, ainsi que sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire sur Facebook.